Dossier, page 8. Un commerce dynamique. Le commerce constitue l'un des éléments essentiels afin de maintenir l'attractivité de la ville. Il participe au rayonnement de Château-Gontier-Bazouges au niveau du pays du Sud-Mayenne et même au-delà. L'attractivité de notre commerce passe par de multiples facteurs dont la complémentarité et la diversité de l'offre proposée. Cela s'exprime à travers l'équilibre existant entre les commerces situés en périphérie et les commerces de proximité. Chacun vient compléter l'autre. Les enseignes vont naturellement se diriger vers un secteur selon la superficie ou la nature de leurs prestations. D'ailleurs, les élus du pays de Château-Gontier ont souhaité spécifier dans le SCOT, schéma de cohérence territoriale du pays de Château-Gontier, que les commerces d'une superficie inférieure à 300 mètres carrés doivent demeurer des commerces de proximité. De plus, la ville met en place des actions visant à aider et fédérer les commerçants de tous les secteurs de la ville, centre-ville, Bazouges, faubourg, etc. Il s'agit d'un combat quotidien pour la municipalité. Dans cette perspective, l'Union commerciale Castel Plus a bénéficié d'un accompagnement dans la mise en œuvre d'initiatives de fidélisation de la clientèle et d'animation commerciale. Toujours dans l'objectif de renforcer l'attractivité du territoire et d'accompagner le commerce, la ville mène également régulièrement des campagnes d'embellissement de l'espace public, réfection des voiries, du mobilier urbain, des espaces verts. Durant les dernières années, le commerce de centre-ville a plus particulièrement bénéficié de certains aménagements visant à répondre à des problématiques d'accès et de stationnement notamment. Ainsi, l'année dernière, 10 bornes d'arrêt minute ont été installées place de la République afin de fluidifier le stationnement et permettre un accès plus aisé aux différents commerces en favorisant un roulement plus régulier des véhicules. Par ailleurs, afin de favoriser le commerce en centre-ville, la ville veille à la protection des espaces dédiés au commerce et peut, le cas échéant, exercer un droit de préemption. Enfin, si l'on souhaite dresser un rapide portrait du commerce à Château-Gontier-Bazouges, il est nécessaire de mentionner l'importance du commerce non sédentaire avec pas moins de 3 marchés chaque semaine. La semaine démarre avec le marché au centre-ville, le jeudi matin, se poursuit avec celui dans le faubourg, le samedi matin, et se clôture avec celui dans le secteur de Bazouges, le dimanche matin. Ce dossier est illustré d'une photographie de la place de la République où l'on aperçoit très nettement devant les commerces les bornes d'arrêt minute destinées à fluidifier le stationnement.